ne tombe pas. J'attends cependant peu de choses. Jette-moi ce que tu voudras. Argent, pain sec ou vieille harde, tout me fera plaisir de te voir. Et je prierai Dieu qu'il te garde un peu mieux qu'il n'a fait pour moi. Sois bonne, ma chère inconnue, pour qui j'ai si souvent chanté. Ton offrande est la bienvenue, fais-moi la charité. Sois bonne, ma chère inconnue, pour qui j'ai si souvent chanté. Devant moi, sois la bienvenue. On se rappelle les chansons, un soir d'hiver, un vrai visage, la scène en marchant de marron, une chambre au cinquième étage, les cafés crème du matin, Montparnasse, le café du Dôme, les faubourgs, le quartier latin, les Tuileries et la place Vendôme. Paris, c'était la gaieté, Paris, c'était la douceur aussi. C'était notre tendresse. Paris, et des gamins, des artisans, et des camelots et des agents, et des matins de printemps. Paris, l'odeur de ton pavé de bois, de tes marronniers du bois, je pense à toi sans cesse. Paris, je m'ennuie de toi, mon vieux. On se retrouvera tous les deux, mon grand Paris. Évidemment, il y a par toi des heures un peu difficiles, mais tout s'arrange bien, ma foi. Avec Paris, c'est si facile. Pour moi, Paris, c'est les beaux jours, l'air et léger, graveux ou tendre. Pour moi, Paris, c'est mes amours, et mon cœur ne peut se reprendre. Paris, tu es la gaieté, Paris, tu es ma douceur aussi, tu es toute ma tendresse. Paris, des gamins, des artisans, et des camelots et des agents, et des matins de printemps. Paris, l'odeur de ton pavé de bois, de tes marronniers du bois, je pense à toi sans cesse. Paris, je m'ennuie de toi, mon vieux. On se retrouvera tous les deux, mon grand Paris. Well, that was Edith Piaf singing, first of all, La Sérénade du Pavé, the serenade of the pavement, of the streets. And that was a beautiful number. You didn't know it. I never heard that, did you? She was. Why is it with Edith Piaf, we're always discovering songs. We thought we knew them all. And beautiful songs, yeah. Too, aren't they? My goodness. That was just what it's like in Paris for the people of the streets. And then the second woman was a love song to Paris. And you know, I wonder, it sounds as though she's away and missing Paris. I'm trying to figure out if she ever left Paris at the time of the war for any time. I'm not aware. Not that I know of. No. No. She came. It's a song about missing Paris, like you're gone, you're far away. I don't have the year. It doesn't give the year that was written. No, I don't have that date. Oh, well, just wondering. Maybe it was thinking of the soldiers that are away. That one, if one was familiar, on connaît cette chanson-là, oui, oui. Really? Oh, that one. She did come to the United States, I think, in the 50s. But just on a visit. Yeah, she was on Ed Sullivan. Yeah, she was. I remember seeing her. Uh-huh. Gee, that dates us, doesn't it? We talk about that. I don't know if she was really comfortable. She managed her English okay, but... Yes, I don't know if she was totally comfortable in New York. Whatever. A lot of American people, young people, really like her. I appreciate her now. Well, after seeing a film about her life, that was... Alors, maintenant, on continue? Oui, on continue. Alors, qu'est-ce que je fais? Combien? Deux, trois? Tu as Alain Barrière? Vas-y avec toi. Alors, c'est tout? Juste? Trois. Trois chansons? Oui. OK, Alain Barrière, Emporte-moi! Et Richard Anthony? Is it Richard Anthony? Is there a singer called Richard Anthony? An American? Non. Il va nous chanter Maggie May. Mm-hmm. C'est un nom américain, ça. Oui, je crois que c'était une chanson qui était créée par Rod Stewart à l'origine, un chanteur anglais. Après, c'est Michel Delpech dans Pour un flirt. Alors, les voilà. Trois chansons. Emporte-moi, que le vent gonfle la voile et qu'à l'heure des étoiles nous soyons très loin de tout. Emporte-moi, que le flot me lave et qu'à l'heure où tout s'achève il ne reste rien que nous. Et qu'à l'heure des étoiles, il ne reste rien que nous. Emporte-moi, KFAI is proud to be the media sponsor of the Metropolitan Ballet's presentation of The Nutcracker, Saturday, December 21st, at Ted Mann Concert Hall. Directed by Eric Sanborn with musical director Yuri Ivan, this classic story comes to life with fresh choreography and a cast of talented artists. This is the only Minnesota performance of The Nutcracker with a full symphony. More information is available on the events page at kfai.org. Prêt à tout pour un simple rendez-vous. pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, au petit jour entre tes draps. Pour un flirt avec toi, je pourrais me tanner pour un seul baiser volé. Pour un flirt avec toi, pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Un petit tour, au petit jour, entre tes draps. Je ferai l'amoureux pour te câliner un peu, pour un flirt avec toi. Je ferai des folies pour arriver dans ton lit, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, au petit jour entre tes draps. Well, that first one was Alain Barrière, Take Me Away. But he doesn't say where. I could not understand where he wants her to take him away. Take me away, take me away. Now, did you understand where? No, I didn't. So it's not just my dumb old ears, huh? Because I was trying to figure out where he wanted her to take him away. But normally it's the man who takes the woman away. Yeah. Oh, well. But the music is good, you know. Yeah. We can forgive the words. The next one was Richard Anthony, Maggie May, and I think that was originally created by Rod Stewart. Uh-huh. And he said, well, Maggie May, what have you done with your youth? Uh-huh. And all these trips you're taking, you're changing country. Mm-hmm. What are you doing with all these different trips? Sounds like she was kind of a wild woman. Or maybe an entertainer traveling. How do we know? They don't give you explanations in those songs, you know. Just once, if they could give us more of a background, we could figure it out. But and how about the next one? Michel Delpech. Well, that was rather clear. Pour un flirt. Now, flirt that's means a different meaning in French. That's, you know, than it funny, does. Yeah. To me, in English, flirt means just to be suggestive, maybe. Being cute, you know, kind of cute in talking, looking. And yes, at least in my day, I don't know. Now it's different, maybe. I don't know. God knows. But in French, it's kind of like a short-term love affair. Well, yeah. No commitments. He'd give anything to be... I mean, should I translate? He'd give anything to... First, I thought he said in your arms. Well, but then it sounded more like in your sheets. Between your sheets. I don't know. What did you understand? Oh, exactly. That's what I understood. Arms, not bras. Well, he did say that too. Bras, draps. It rhymes. And then at one point he made it very clear. Yeah. And we're not going to tell our listeners because they can figure it out. They have enough of an imagination. You know, Fleur, it started long ago in Old French, Conte Fleurette. Oh. That meant to tell a story about flowers, a gentle way of wooing a lady, okay? Mm. Conte means tell a story. Yes. Fleurette, little flowers. So tell little stories about flowers. That's maybe sweet and gentle. And then it became fleureté. F-L-E-U-R-E-T-E-R. Fleureté. Fleur meaning flower. Mm-hmm. And then from fleureté, the Americans or English, I don't know, picked up flirt. Flirter, and then the French now say flirt, the American mm-hmm. word or English, mm-hmm. and flirter, to flirt, well, whatever. Oh, I'm getting all confused. Am I confusing everybody? Let us know. Call us during the songs and tell us if we're going a little goofy here or not, maybe. Well, the snow is enough to drive me crazy. The number here when the music is on is 612-341 0980. Yeah, call us because then it makes us feel good, you know. Then we figure, oh, somebody's listening to us. How about that? Here's an announcement. Da da da da da da da da da da da da da da da. Freedom, I need this by 10 o'clock. Yeah, boss, whatever. Want to continue listening to KFAI while away from your radio, laptop, or desktop computer? Download the free mobile KFAI Community Radio app for iPhones, iPads, and Android devices available at your app store. With the mobile app, you can live stream KFAI's on-air broadcast. Or bookmark your favorite on-air and web exclusive programs for later. On continue. Vas-y, oui, allez-y. Alors maintenant, on va avec Juliette Gréco. Mm-hmm. Deux chansons de Juliette Gréco, Mon homme. Et la deuxième, c'est une vieille chanson du temps de ma mère même. Hein. Parlez-moi d'amour. Et nos auditeurs la reconnaîtront, reconnaîtront parce que en anglais, c'est aussi la même chose qu'en français. Speak to me of love. Oui, c'est ça. Pour une fois, c'est traduit exactement. OK. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime. Cet idiot, il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous ? Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis marteau. Dès qu'il s'approche, c'est fini, je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau qu'au moindre mot, il me ferait faire n'importe quoi. Je tuerais ma foi. Je sens qu'il me rendrait infâme. Mais je ne suis qu'une femme. Et je l'ai tellement dans la peau. Pour le quitter, c'est fou ce que m'ont offert d'autres hommes. Entre nous, voyez-vous, ils ne valent pas très cher tous les hommes. La femme, à vrai dire, n'est faite que pour souffrir par les hommes.

Oh, the great Juliet Gréco, mm-hmm. still performing. Just think, and she's no spring chicken. No, she's up there. You know, she has a style you recognize, and you understand every word she sings. It said that. She was known as the Muse of Saint-Germain-des-Prés. Yeah, that was right after the war. After the war. Mm-hmm. But she's still active. The first song she sang was So what is with Mon Homme? Was it created first by Mistinguett in Paris and then bought by Fanny Brice in this country? Yes. Or is it Fanny Brice who started it? To my knowledge, it's a French song originally. By Mistinguett. I don't know if she was the first one, but the first one that I know of. And then Fanny Brice, my man. Fanny and Brice. The words are almost exactly the same in the two languages. Mm-hmm. And they're words that are not at all acceptable in our modern day of women asserting independence. I don't know if I even want to translate, and might make our women listeners kind of mad, you know. Well, Barbara Streisand also. Yeah, sang even it, Barbara. Yes. Yeah, I heard her sing that, and I thought, what's the matter with her? She's such a modern woman, and she sings those words. Well, for those of you who don't know, she was saying, "Oh, my man, I love him so." In French, they say, "J'étais dans la peau." Yeah, I've got him in the skin. In English, do we say? We don't say under my skin. Yes. That means something else. No, there is even a song. I've got you under my skin. Mm-hmm. So that means the same in French. Yeah. Yes. But in French, we said in the skin. Mm-hmm. J'étais dans la peau. a very torchy song. Oh. And, almost as if... I cannot understand a woman like Barbara Streisand, a modern woman, singing those lyrics. That, honestly? It's very dated. Interesting, too. Very dated. I'm glad we've made progress. Yes. The second one was Parle-moi d'amour, speak to me of love. And that's beautiful. That's a lovely song. And tell me tender words. Yeah. And then Lucien Boyer started that way. Who did? Lucien Boyer. In the 30s, yeah. And at the very end, she said, I love you. It's a beautiful melody. It's a nice waltz. You know, very pretty thing. Yeah. Alors, maintenant, tu veux qu'on... Oui, voici quelques... Here's a couple of announcements. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund. AMPERS.org has hundreds of music, arts, and cultural stories, including many produced by this radio station. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. New to town? New to the one-of-a-kind audio experience that is KFAI? Want to be part of that experience? Why not become a volunteer? KFAI is always open to creative people looking to share their energy. If you're interested in news reporting, engineering, helping in the music library, or at KFAI-sponsored events, contact me, Pam, at PHILL@KFAI.org. That's PHILL@KFAI.org. Thanks. Thank you. From your friends at KFAI. Oui, alors continuons avec notre Tu veux Serge Gainsbourg? C'est ça. Dans le poinçonneur des lilas. Et après, je ne comprends pas. Le Quatuor, c'est un groupe? C'est un groupe... Qui va chanter la même chanson. La même chanson. En style moderne ou quoi? Enfin, Il y avait un film qu'on a fait sur les chansons de Serge Gainsbourg. Et donc, Quatuor, le groupe chante pendant le film. Donc, ce n'était pas la vie ni les œuvres, l'œuvre complète de Gainsbourg, mais ça fait des sortes de contes.

suis une poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, coûte que coûte. Et si pour moi il n'est plus le temps, je partirai les pieds devant. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on mettra dans un grand trou, et les gens vendraient plus par des trous. Plus jamais de trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. C'est nous les déménageurs de piano, des Steinway, des Pleyel et des Gavot, du tintement des pourboires économiques. Nous on connaît la musique. Pour ce qui est du reste, ça c'est pas nos oignons. Artistes, nous on l'est pas pour deux ronds. Quand la musique vous a brisé les reins, y'a pas de Charleston qui tient. Pour nous prendre aux tripes, faut se lever de bonne heure. Dire qu'il y a des types qui sur cet engin de malheur arrivent à faire croire à tous les ballots que la vie c'est comme au piano. Glamour, ils en font tout un cinéma. À les écouter, de vrai y'aurait que ça. Qu'est-ce qui resterait pour les déménageurs quand on détonne sur le cœur? Il nous resterait qu'à nous noircir sur le zinc. Mais là encore, faut se farcir le bastringue. Il se trouve toujours parmi nous un tocard pour y glisser ses pourboires. Pour tous les faire taire, y'a vraiment qu'une façon, les envoyer faire un petit tour au charbon. Sur le piano, massacre de la réalité, ils toucheraient du doigt la purée. C'est nous les déménageurs de piano, des Steinway, des Pleyel et des Gavot, du tintement des pourboires économiques. Nous on connaît la musique. Au fond, à quoi que ça sert de discuter? Comme l'a dit l'autre, à chacun son métier. Tirer sur le pianiste, c'est pas notre boulot. Nous on tire sur le piano. Nous on tire sur le piano. Difficult, too difficult jobs there, but the first one I think was would be the worst. It was the song was called Le Poinçonneur des Lilas. The ticket puncher of the Porte de Lilas was a metro stop. Lilas is a station, yeah. Mm-hmm. And I hate to say it, I'm old enough to remember. Oh, I remember him too. You Louise. Too? Oh, yeah. Younger than I am. Oh, my. Well, oh, I used to feel sorry. Usually it was a woman. The only thing, yes. Good thing was that mm-hmm. be sitting down, and they wear a uniform, you know, a cap, yes. And all. And all day long, they had to punch holes in the tickets. Exactly. Thank goodness now they came out with a machine where they do it automatically. You just stick your ticket and in. And, you know, they sat there in a terrible draft. It was very drafty in the corner of the... No views. Even as a kid, I felt sorry for those people. Yes. I was wondering how they could do it all day long like that. And that's the music is catchy and cute, but basically it's a very sad, bitter song. And he's dreaming of the day mm-hmm. when he can leave and be out in the country. And he says, "I'll only get out of here feet first." Feet first, yeah. It's a despair. He goes home and there's little confetti all over his bed from the punches. Isn't that awful? It's really a very sad song. Gainsbourg tried to always had some kind of a message, didn't he, huh? A social, well, not always, but sometimes he had a social message, huh? His vocabulary was extraordinary. Yeah. He really I think he studied for that in the schools now. Because of, although I know you, he isn't one of your particular favorites because of some of the subject matter. But young people of today have no idea what that would mean. Oh, that would be terrible. Ticket puncher punching all day long. They must have had a carpal tunnel syndrome, didn't they? Well, it would be painful. And plus catching the death of, yes, of cold in a draft all day. Oh, jeez. Then the next one was called The Charleston of the Piano Movers. Oh, boy, that's another one. So that would be an awful job, too, wouldn't it? He must have been thinking of bad jobs to have during that time. So he really points out the suffering and the miseries of the jobs of long ago that were now replaced by machines. Well, thankfully. Well, the piano movers, the people still move pianos, still have though. To do that. And in Paris, as I heard you mention in New York, too, they do it by lifting very high lifts up to the apartments. So yeah, sometimes through a window, don't they? Sometimes through a window. Mm-hmm. Yes. When it's impossible in Paris anyway. It would be horrible to carry that up to 6 And that always floors. Makes me think of Laurel and Hardy, the movie where they're moving a piano up the stairs. You know, my son Paul showed me the first time I went to L.A. and he was living there. He took me to the place where you can still see the stairs where Laurel Hardy filmed that. Did you know that? It was real, I don't know real if I ever stairs. Saw that one. Yeah, that's real. That they really did. They did their own stunts, those two guys. Mm. Oh my goodness. Well, we have time for one. Alors, on continue. Break, I think maybe two. Alors ça c'est une nouvelle chanteuse, oui. Karen Nolita. Oui. Elle est toute nouvelle, non? Assez. Nolita, c'est. Alors elle va chanter Que neige. Et après midi, dans le salon de la duchesse. Oh, I wonder what that's going to be about. Je pourrais bien brûler les poils. Karen and Nolita sang for you, Que neige, what don't I what have? What about the other song? Excuse me. Excuse me. We'll play the other song after the break okay. here. Oh. What don't I have? Well, it's kind of a sad song. What don't I have? Something about he's always searching for her through the wind. I could disappear at Elizabeth. I think it refers to the metro stop. And I don't know, kind of a melancholy number there, don't you think? Yeah, I don't get it. You want so much to follow me through the wind? Mm-hmm. Well, I don't know. I guess I don't have enough imagination to understand modern songs. Where am I going at the present time? What don't I have? I don't get it. Well, it's sorry. Time to tell you that you are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis, and 106.7 FM, St. Paul, Radio Without Boundaries. OK, alors en français, il est exactement 9 heures, je crois, hein? Maintenant, oui. Et vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota, la voix communautaire pour les informations et les arts dans les villes jumelles. KFAI 90.3 FM pour Minneapolis, 106.7 FM pour Saint-Paul, la radio sans frontières. Oh, merci, Louise. Et voici encore Karen Anne. Oui, dans le salon de... Non, midi. Midi dans le salon de la Duchesse. Midi dans le salon de la Duchesse. Il me dit que tu fais de ta jeunesse. Elle est ta sœur qui s'aime encore. J'avais beaucoup de gloire et peu d'amour. Et ma raison est restée dans la cour. Près de tout ça qui s'aime. Again, it's rather mysterious words, but I love the beat and I like the. The music is good. But she says something about She's noon at the Duchess's salon. She says to me, what have you done of your youth? So then does she answer, or is it the Duchess who tell? I don't get it. I'm sorry. She says, I had a lot of glory, but not much love. So is that the Duchess speaking? No, that's her. Oh. She's saying that to the Duchess? I believe so. And as if the Duchess would care. You think the Duchess should care to hear the I don't know. Her license. She says something about her, my house stayed in the courtyard for all those who love one another yet. Near all those who want love one another. My despair. Yeah. Is on the quay of au revoir, of goodbyes, and I'm better off on the one of farewell forever. Gee whiz. I mean, somebody give us an explanation. What is it? I mean, are we that far behind? Well, anyway, that is... What does it mean? Karen, well, it's kind of a private meaning, I think. Must be. Yeah, I don't understand it either. She has a pretty name, the girl. And she sounds a little bit like Carla Bruni, don't you think? That's sweet, soft, gentle little voice. Oh, well. See, at least on Bonjour Minnesota, we give them variety, don't we? Mm. Huh? Let us know, you people. Call us when we're playing songs. We'd like to have some... feedback on all that stuff. Alors, on est dans la saison de l'Avent. Ah, oui. Ah oui, c'est le dimanche dernier, était le deuxième dimanche mm-hmm. de l'Avent. Et pour ceux qui se sont demandé qu'est-ce que c'est, alors l'Avent, c'est la période de temps avant la célébration de la naissance de Jésus, Noël, donc. Mm-hmm. Oh, peut-être je dois tu vas l'expliquer en anglais, oui. Maybe I should say yeah, that in English. I think so, yeah. What is Advent? Well, for the Christian faith, that is the period of time leading up to the celebration of Christmas, the birth of Christ. And the French, of course, celebrate it with many songs and festivities and also little stories, which we have a little story tonight. It's an Advent story. And it's called Avant and Noël. There's a song, Il est né, sung by Les Prêtres. Is that a group? Oh, I've heard of them. Yeah, that's supposed to be very good. They're actual priests who sing, and they're quite popular. C'est populaire, oui. Ce sont de vrais prêtres. Oui, un vrai groupe de prêtres qui chantent. Hmm. Donc, on va essayer de jouer... oui, c'est 16, la première histoire. Oui, mais c'est 16 minutes de longueur. On va couper quatre fois, peut-être... Tu veux... we'll cut it up in four sections. Do you want to explain ahead of time what the story is about? All right. I don't know. The maybe before. The story is about an Advent story, and it's a very sweet story about a little donkey. Mm-hmm. And the donkey... wants to go see the stable where Christ was born and the baby is. Mm-hmm. And the other animals tell him, first of all, the camel is very discouraging. He said, huh, you think he wants to see you? You're just a stupid animal. He doesn't want to see you. So he figures, oh, well, I'm going anyway. I'll get on. His master didn't want to let him go. But his master says, it's too far for a little donkey. But he figured, I'm going to go. I'm going to go see the Christ child. So then he runs into a camel, and the camel... Another camel? No, the first was a camel, then a lion. And the lion says, well, I'm the strongest and the king of the animals. He'll want to see me. What do you want to go along for? So that's essentially it. He arrives finally, and he does see the Christ child. Who smiles at him? Of course. Yeah, that was predictable, wasn't it? Yes, and lets him know that Jesus loves all the animals. Oh, sure. It's a children's story and sweet, followed by the song, Now is Born, Il est né. So they'll understand the story now. So we will split this up into sections and try to understand. Noël de France. Des coutumes, des légendes, des contes, des traditions, des provinces de France et du monde entier. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir ce cycle d'émissions spéciales consacrées à Noël par les traditions de l'Avent. L'Avent est le nom du temps liturgique pendant lequel les chrétiens préparent Noël, fête de la nativité de Jésus-Christ. Il tient son nom du latin Adventus, mot d'origine profane qui signifie « venu », au sens d'avènement. L'Avent commence le dimanche le plus proche du 30 novembre, jour de la Saint-André, et comprend quatre dimanches. L'année liturgique des catholiques et des protestants débute le premier dimanche de l'Avent, alors que pour les orthodoxes, l'année liturgique débute le 1er septembre et l'Avent le 15 novembre. Dans l'hémisphère nord, cette période s'est toujours caractérisée par de nombreuses attitudes de conjuration ou de protection à l'approche du solstice d'hiver. L'Avent a été institué au VIe siècle à Rome, peut-être pour s'aligner sur un temps de jeûne qui précédait les fêtes de Noël et de l'Épiphanie en Espagne et en Gaule dès la fin du IVe siècle. À l'époque de Constantin, on l'avait déjà instauré à la même période au IVe siècle, à Constantinople. La fête de Noël, célébrant la venue du Christ parmi les hommes à Bethléem en Judée, ne date que de cette époque-là. Auparavant, l'Église, qui ne retenait pas les événements de la petite enfance du Christ, célébrait l'Épiphanie le 6 janvier, manifestation de sa divinité à partir du baptême du Christ à l'âge adulte. La première mention de la fête de la Nativité, instaurée dans les années 330, apparaît en 354 dans un chronographe romain, sorte d'almanach liturgique de luxe. L'Église romaine avait choisi de placer cet anniversaire de Jésus, lumière du monde, selon saint Jean, à la date du 25 décembre pour couvrir d'anciennes célébrations païennes liées au solstice d'hiver. Les Saturnales et la fête du Sol Invictus, soleil invaincu, culte d'origine perse au dieu Mitra, alors connu à Rome. A little bit of history there. That at the very first, the early childhood of Jesus was not recorded in the early church. And so the tendency was to celebrate near earlier pagan festivals. And so they thought that the original church thought that it was the birth of Jesus was near the 6th of January. They say baptized, but yes. Actually being a little Jewish baby, he was probably circumcised. Mm-hmm. But the historians believe he was born in August. But the early leaders of the Christian church wanted to adapt to the pagan religion. To overcome the Saturnalia. And so they compromised by supposing to coincide with the winter solstice. Yes. That's why it's 25th originally was the of 20th, December, which yes, is really... close to the solstice. Well, that's all right. Yeah. You know, we don't mind. On continue. Jusqu'au XIIIe siècle, les Avents duraient 40 jours. Ce carême de Noël ou petit carême débutait le jour de la Saint-Martin, le 11 novembre, et comprenait 6 dimanches. Les chrétiens marquaient ce temps de pénitence aux ornements violets, couleur des habits de cérémonie des prêtres en période de pénitence, en faisant maigre 3 fois par semaine, ne mangeant ni graisse, ni charcuterie, ni viande, y compris lors du réveillon, s'il avait lieu avant la messe de minuit. De même, certains jours, ils ne devaient pas laver, ni filer, ni aller aux veillées. Mais la popularité de la fête de Noël a fait de l'Avent, depuis le milieu du Moyen-Âge, une période d'attente joyeuse. Dans le sud-ouest, jusqu'au milieu du XXe siècle, des sonneries spéciales de cloches annonçaient tous les soirs la future fête avec prédominance de tons aigrelets. Ces sonneries attendues portaient le nom d'Aubette en Ariège ou d'Alaude en Gascogne. Dans l'hémisphère nord, en cette période du solstice d'hiver, on se garantissait depuis longtemps contre la menace de disparition du soleil et de la végétation. On se méfiait de cette époque sombre et froide qui annonçait les 12 jours allant de Noël à l'Épiphanie, favorable, croyait-on, aux errements des âmes des morts et aux démons. Contre l'obscurité grandissante due aux jours de plus en plus courts, on multipliait dans la maison toutes sortes de lumières, bougies, lanternes, et contre le dépouillement de la nature, on utilisait de la verdure ou de la paille, guirlandes, branchages, arbres décorés, couronnes. On multipliait les procédés pour s'assurer la fertilité des récoltes futures et la fécondité du cheptel, comme le blé de la Sainte-Barbe en Provence ou le pétillement de la bûche qui brûlait dans les cheminées la nuit de Noël. La convivialité et la chaleur des familles qui se retrouvaient après la dispersion des travaux agricoles conjuraient la froidure de l'hiver. Des plats traditionnels et des gâteaux aux nombreux ingrédients se préparaient, ainsi que biscuits ou pain d'épices pour décorer l'arbre. De bruyantes tournées d'origine indo-européenne se mettaient en place. Elles étaient censées porter bonheur et purifier l'air infesté de mauvais esprits, notamment lors de la Saint-Nicolas ou des trois jeudis précédant Noël. Aux enfants qui chantaient des Noëls de porte en porte, on était heureux de donner argent ou friandises. L'Avent était un temps de générosité, marqué par la bienfaisance, ce qui caractérise d'ailleurs les saints de cette période. Saint Martin offre la moitié de son manteau à un pauvre, Sainte Catherine, le 25 novembre, est pourvoyeuse de Marie, Saint Nicolas, le 6 décembre, apporte des friandises, Sainte Lucie, le 13, la lumière. Mais comme tous les distributeurs de cadeaux, ces personnages étaient ambigus. Ils pouvaient punir en ne passant pas, ou en offrant des baguettes ou du charbon, ou encore en ayant un acolyte avec eux qui s'en chargeait. Well, a little bit about that. Originally, the period was 40 days, and it was like a little Lent. The period starting in November, and that meant that you had to not fast eat meat, not eat fast. Fast. And fast, yeah. And... But gradually, of course, the nature was dying and there was no more greenery. So people would bring in branches and light candles to help with the failing light outside. And they'd cook traditional dishes such as spice cakes to decorate the trees. And this was incorporated into the Christmas celebration. Children would go door to door singing. And they would give them either money or some little goodie to eat. Oh, and there were some saints connected with that. Oh, yeah. And Saint-André, Saint-Martin. Saint-Martin, Saint-Martin de Tours is the one who was so kind that yes. He saw a poor man once who had no clothes, was cold. He cut his own cape or whatever in two and gave half of it to a poor man. I wonder if it was enough to... cover the poor man, maybe it's just... Well, it was a gesture, you know. Yes. Deserves credit for that, right? So right? There we get the idea of generosity. Giving, sure. It's kind of a mixed, you know, all the folklore, religion. Yes. Well, and gradually... Nature. Gradually, the pagan ideas faded away, and more it became Christian symbols to bring in the branches and... to have a tree. And the Christmas tree, that really started in Germany, yes, didn't it? Yes, it's a German. When I was a little girl, there was no Christmas tree in their homes. I remember in grade school, there was one little girl who had a tree, and she invited us all to their apartment, and we were amazed to see a tree, probably in lights. I don't know. Probably candles. But now I think they have, Gee, they must have had fires. And oh, I have a friend in Germany who still uses candles. Oh, I'd be scared. Yeah, a little bit more here. That's interesting. Et voici une nouvelle version de « Il est né le divin enfant » interprétée par le groupe en tête des hit parades, les prêtres. Il est né Avant Noël, la plupart de ces traditions survivent. Évocatrices de l'enfance, elles sont aimées et quasiment immuables. La décoration apporte vie et chaleur dans les maisons. Dès le début de l'Avent, les chrétiens préparent la crèche, la mangeoire reste vide, en attendant de recevoir l'enfant Jésus la nuit de Noël. Sapins, guirlandes, couronnes, rubans, pommes de pin, dessins au pochoir, habits, tables, portes ou fenêtres. Les villes, elles aussi, sont animées et décorées de verdure et de lumière. Des marchés de Noël, de plus en plus nombreux, s'installent sur les places. Des bénévoles d'organismes humanitaires agitent leurs clochettes ou jouent des Noëls à la trompette. Ils quêtent ou proposent leurs cartes de vœux. Une folle agitation règne dans les rues commerçantes et les vitrines des grands magasins s'animent, spectacle toujours très apprécié. En Alsace, par exemple, pays de Noël, il y a des centaines et des centaines de traditions avec des spectacles de Noël, des concerts, des marchés de Noël. Dans le plus petit des villages alsaciens, il y a une activité spécifique à Noël dans ce temps de l'Avent. Dans les grandes villes, il y en a plusieurs dizaines qui sont ainsi organisées dans tous les quartiers, dans toutes les paroisses, pour tout le monde. L'achat des cadeaux et des mets luxueux, des réveillons se fait à l'avance. Cette frénésie commerciale, souvent dénoncée, n'est pas nouvelle. Le gaspillage cérémoniel fait partie des fêtes, comme le décrit l'ethnologue Ségalène à propos des mariages. Manger beaucoup est rituel lors des fêtes, l'abondance promet l'abondance. I believe that was the end of our first sequence. And they spoke about the decorations from the wheat and the branches and traditional foods that they had. The markets, Christmas markets. I never saw Christmas markets, at least in Paris. No, not in Paris, ever. I don't know. Do they have them in villages? No. Maybe in the south. It might be more east. In the small villages. Yes. I don't know. Mm-hmm. No. So... But I remember well, of course, the decorated windows of the stores. Yes, you know, that's the, right. The animated figures, which were done, by the way, made by the father of a good friend of mine, a friend of my own classmate. Oh, really? Yeah, made Decamp. He was the one who made all those automates, you know, automated figures in the window. When I was a little girl, I didn't know what. Found out later when I went to school and Cosette was my friend, classmate. Mm-hmm. She still is in the business somewhat indirectly. Well, we should mention also the réveillon, which is a huge part of... Oh, boy. La grande bouffe. Alors là, when it comes to eating, even though it's very meals. Expensive, you yes. know, pâté de foie gras, les huîtres, les... Uh-huh. Ooh, le champagne. First time I ate oysters on the half shell. Oh, oui. Raw. Love them. I was rather, do you love them? I was shocked when I squirted a little lemon juice on it and he jumped. Oh, no. I kind of turned my appetite. I can understand why Americans are turned off by that. You have to grow up right. in that culture. I could eat a dozen oysters. I love them so much. But I can understand why yes. that. You have to grow up with that. And that's to be in your culture. Traditional bûche de Noël, Yule yeah. log, cake, mm-hmm. which is shaped like a log, even coming down to little elves sawing yeah. the log there. Yeah, and little mushrooms on it. Yes, you can buy them. Everywhere. We have so many French bakeries now. And you can here in town, too, the French yeah, bakeries. Oh, yeah, now you can get them. Oh, Louise, I forgot the story about the little donkey. Oh, you didn't play the... No, oh. I can though. We'll have to do it next time, maybe? I can do it now. Now? You have time? Sure. You don't have to do the announcement? Mm-hmm. Oh, you have time. Okay, go ahead. D'origine allemande, aide les enfants à compter les jours du 1er décembre au 24. Chaque jour, ils ouvrent une petite fenêtre et découvrent une image, un chocolat ou un santon. Ces calendriers, répandus depuis le milieu du XXe siècle, semblent inspirés d'une ancienne coutume qui consistait à donner aux enfants d'outre-Rhin des images pour attendre Noël. Dans les régions alpines, Le soir des nuits d'or, les 9 nuits qui précèdent Noël, on portait de maison en maison une image ou une statue de la Vierge et les voisins, s'ils n'étaient pas trop isolés, fêtaient sa venue chaque soir dans une maison différente. Et voici un conte de l'Avent et de Noël. Un âne part pour Bethléem. En ces temps où brillait une étoile au-dessus de Bethléem, un bruit courait à travers le pays. On racontait que l'enfant, qui était né dans l'étable, était le nouveau roi. Un roi dans une crèche garnie de paille. Incroyable, disaient les gens en hochant la tête. Mais tous ceux qui croyaient en lui se mettaient en route pour Bethléem. Un petit âne aussi voulut partir. Son maître lui dit « Baliverne que cela, un roi vient au monde dans un palais, pas dans une étable !» Il interdit à l'âne de partir pour Bethléem. Il ne restait donc à l'âne que la ressource de partir en secret. Il se mit en route au milieu de la nuit. Il avait peur seul dans le noir. Il avait une grande envie de faire demi-tour et de regagner son écurie. Mais ne voulait-il pas se rendre auprès de l'enfant Jésus ?« Sûrement qu'il me regardera et me sourira !» pensa le petit âne. Et cette idée suffit à le réconforter et à lui faire oublier sa peur. Le petit âne poursuivit vaillamment son chemin. Les côtes étaient rudes et les chemins pierreux. Mais l'âne ne s'en préoccupait pas. Il pensait seulement au petit enfant à qui il allait rendre visite. En chemin, il rencontre un grand nombre d'animaux. « Où vas-tu donc ?» lui demanda le chameau. « À Bethléem. On dit qu'un nouveau roi y est né. Je vais le saluer. » Il en sera heureux et il me sourira. Te sourire, qu'est-ce que tu t'imagines, pauvre niais ? Il ne te regardera même pas, il te chassera parce que tu es stupide. Et le chameau continua lourdement son chemin. Le petit âne suivit le chameau de ses yeux tristes. Qu'allait-il faire ? Poursuivre sa route ou retourner sur ses pas ? Des anges vêtus d'or étaient apparus aux bergers dans les champs. C'est ce que l'on racontait. Ils avaient annoncé de leur chant l'arrivée du roi et la paix sur la terre. Un roi qui envoie des anges pour annoncer sa venue et promettre la paix, il ne me chassera pas, se dit le petit âne. Il se remit à trotter, confiant, en direction de Bethléem. Un lion se tenait sur une butte. Il regarda l'âne avec mépris. Quand celui-ci lui eut révélé le but de son voyage. « C'est moi et moi seul que le roi regardera. Je suis puissant, mais toi tu n'es rien !» Le lion secoua fièrement sa crinière et s'éloigna. Le petit âne en fut tout hébété. Une hyène croisa alors son chemin. « Stupide créature !» ricana la hyène. « Tu n'es bon qu'à porter des fardeaux sur ton dos, pas à te prosterner devant un roi. Retourne d'où tu viens !» lui dit-elle. Le pauvre âne fut tout désemparé. Faire demi-tour, seulement parce qu'il n'était qu'un âne. Non, il n'en était pas question. Tous les animaux qu'il rencontrait se moquaient de lui. Un renard des sables lui lança un regard méchant. Un loup le considéra avec dédain. Un bélier lui tourna résolument le dos. L'âne commençait à avoir honte de sa peau d'âne. Il n'osait même plus lever les yeux. Et c'est ainsi qu'il se trompa de chemin et faillit se rompre le dos en tombant dans l'obscurité. Il se releva courageusement et frotta ses flancs douloureux. Il se sentait complètement abandonné. Comme il faisait noir, aucune clarté pour redonner espoir, si pourtant une lueur dorée fit soudain place aux ténèbres. Le petit âne ne distinguait pas les anges venus à sa rencontre, mais il sentait leur présence. Confiant, il les suivit pas à pas jusqu'à Bethléem. Le petit âne ne prêta plus aucune attention aux animaux qu'il rencontrait. Il n'écouta plus leur raillerie. Il ne voyait plus que la lumière qui devenait de plus en plus brillante. Et il aperçut tout à coup l'étoile au-dessus de Bethléem. Le petit âne pénétra dans l'étable, rempli de joie. Un petit enfant était couché dans la paille. L'âne le salua poliment d'un faible « Hi-han !» Et comme l'enfant le regardait en souriant, le petit âne comprit que Jésus aimait toutes les créatures de la terre, même les plus insignifiantes. À très bientôt sur nos ondes pour de nouveaux Noëls de France et d'ailleurs. Well, that was the story of the little donkey who, they first spoke about calendars with the treats in them. They're Advent calendars that I'm sure Americans are familiar with now. Yeah. But the story of the donkey was sweet. He left for Bethlehem because he had heard there was a king born there. And he met a series of animals. Well, first of all, his owner forbid him to go because he said, it's you can't go there. Nobody will notice you. And then he met a camel, and he laughed at him, said, what's he going to do with you? He'll make fun of you. What are you thinking? You're stupid. And then he met a lion, and the lion says, oh, I'm the king of the beasts. He doesn't want to see you. Might as well go home. Well, the donkey was discouraged, but he kept on going, even though he had more animals that were the lion and the fox and then the wolf all. The hyena even. Oh, geez. Finally, he saw lights in the fields. It was the angels guiding the shepherds. And he almost fell. The little donkey fell and almost broke his back. He lost his way. But he got up and he followed the star. And he came into the stable and he saw a little baby there. And he said a hee-haw, a feeble little hee-haw. And the infant Jesus smiled at him, and the donkey understood that Jesus loved all animals. That's a sweet story. Sweet. Here's some announcements. Changing how you get around? KFAI would love to turn your vehicle into great community radio programming. You can donate your car, truck, van, RV, boat, motorcycle, any vehicle you no longer use can be a great help to us. After a few minutes of paperwork you'll fill out online, we'll get a tow truck headed your way. Find out more about donating your vehicle at kfai.org. KFAI is listener-supported radio. Become an active listener by starting or renewing your KFAI membership today. You can contribute online at kfai.org. Thanks. Thanks for supporting community radio. Want to continue listening to KFAI while away from your radio, laptop, or desktop computer? Download the free mobile KFAI community radio app for iPhones, iPads, and Android devices, available at your app store. With the mobile app, you can live stream KFAI's on-air broadcast or bookmark your favorite on-air and web-exclusive programs for later. For more details about the KFAI Community Radio app, visit kfai.org. Here are some announcements of what's going on in the Twin Cities. On December 14th, some big things going on. The Alliance Française will have their Fête d'Hiver, and the Teen Club will meet at the Alliance from 12 until 2. Then after that, on December 14th, it will be the great holiday for an evening of holiday fun, including live music, traditional French bûche Noël, vin chaud, hot wine, French Christmas carols, and a visit from Père Noël. There is a price at the door. Reserve your place. Call the Alliance Française, 612-332-0436. The Alliance Française Fête will start at 5, runs from 5 until 8. On December 12th, that's this coming Thursday, I believe, Les Jeunes Cadres Dynamiques will meet for ice skating at Rice Park in St. Paul from 5 to 7 at the Wells Fargo Winter Skate Rink. You can rent skates. There is no entry fee, small rental fee for skates. Afterwards, we'll warm up at the Méritage fine restaurant from 7 to 9 with special happy hour offers for Alliance Française members with their card in hand. The entry is free and open to the public. Food and beverages are not included. So RSVP so that at the Alliance so they can count you in. Saturday, a bunch of classes coming up. Saturday, December 14th, 1 to 4. Sandra will have a workshop, which is about French argot and text message language. It's essential for any advanced speaker who wants to sound like the natives rather than a textbook. Saturday, December 21st, from 1 to 4, make French desserts with Damien to celebrate the holiday season. Try your hand at preparing des orangettes. I never had that. Mm. And indulge in a slice of Vichy Noël. In French, of course. The schedule for all these mini classes can be made putting your computer on bonjour@afmsp.org. Well, I don't think there's anything after that. At AFSP. The registration can be made at 612-332-0436. There will be a film screening and an art opening. Now, this one I don't have the date. It's a film of landmarks of France, opening of French landscapes, with a long exhibition in the Alliance Française Grande Salle, featuring the work of a local artist, Bev Marx, and Laurel Gregorian. Light refreshments provided. At 7 p.m., there will be a screening of the French classic holiday comedy, Le Père Noël est une ordure. Yeah, that doesn't sound nice at all. Santa is garbage. I don't popcorn and soda is provided. Both events are free and open to the public. There's no date, huh? Well, it'll be a Friday. The next bulletin, they probably will have a date. It'll be Friday. Oh, this coming Friday? Yes. Oh, past. Oh, it wasn't printed. It was already. Well. But you can still get the opening of landscapes, mm, works that are exposed there at the Alliance Française. And, of course, many new workshops and classes. And the Teen Club is going to have a session littéraire. Present your favorite book, story, poem, and author. I think that will be the 14th for the teens. Many book clubs. And they're looking for musicians for their holiday programs. If you'd like to share your talents or holiday songs, call the Alliance at 612-332-0436. Through December 14th, Interact Theater presents Madame Josette's Sugar and Spice with the Occasional Nut. I don't know where that theater is. Hmm. Do you? I have no idea. I don't know. And several positions open for Chez Arnaud Bakery and different schools, including the university. So check that out at the Alliance Française. Bonjour at AFMSP. Eh bien, on va écouter maintenant. Oh, that's you. Deux chansons par les moines. Ah bon, Dieu veut que j'annonce. Les moines de cœur moussard, deux chansons, Vima, qu'est-ce que c'est? Chant d'aspersion en Wolof. Alors, ça va être en Wolof. Et ensuite, Je regarde au loin, deux chansons des moines de cœur moussard. Et tu expliqueras après, hein? Oui, c'est oui. Ça. Kermousseur les moines. Visman d'Amoussela Parmi tes guillas Sangama Terina Verna Yerma Parmi les I'm going to be a The monks of Kermusa, which means village of Moses. It's a monastery that was established by French monks from the city of Solem in France, and it's near Dakar, the capital of Senegal. It was established in the 60s, so I don't know the percentage, but as the monastery gets older, more and more of the monks are Senegalese themselves. They sing many of them, of the songs and the mass, in the language, such as the first one was Risma. It's a song of chant d'aspersion in Wolof. I don't know what that would mean. Aspersion? Water? I don't know what that means. Unless it's so when they... Bless, you know, with holy water. With the holy water, yes. And it might be that. And the second one by the monks of Kermusa, Je regarde au loin. I'm looking far. In the distance? In the distance, yeah. Yes. Actually, they have a style that's very nice, very pleasant, don't you think? Yes. They're peaceful. Their music is very, yeah, peaceful is the word. Alors, on a le temps de jouer autre chose ou quoi? Qu'est-ce que... Art Rouge, c'est ça que tu veux que j'annonce? Oui, c'est ça. Alors maintenant, nous allons entendre deux morceaux de Art Rouge, Grain de Mil et La Belle s'est endormie. C'est tout ce qu'on aura le temps de faire, tu crois? On verra. On verra. Par derrière chez mon père, il y a deux pommiers doux, il y a deux pommiers doux. Les trois filles d'un prince sont endormies dessous. Oh, j'ai du grain de mie, j'ai du grain de paille, j'ai de l'oranger, j'ai du tri, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des pierres à fusil, il y aurait fleuri. J'ai du zi, j'ai des zenzi, j'ai des zenzanettes, j'ai des zenzou, j'ai de beaux, j'ai de beaux, j'ai de beaux oiseaux. Les trois filles d'un prince sont endormies dessous, sont endormies dessous. La plus jeune sœur s'éveille, dit ma sœur, il est jour. The cap. cloche-tambour au régiment. Ma maîtresse elle est morte à l'âge de 15 ans. Mais au bout de 3 jours, son père s'y promène. Mais au bout de 3 jours, son père s'y promène. Ouvrez, ouvrez ma tombe, mon père, si vous m'aimez. 3 jours j'ai fait la morte pour mon honneur garder. Elle s'est endormie, elle s'est endormie, elle s'est endormie. La belle s'est endormie, la belle s'est endormie. Blanche comme la neige, belle comme le jour. Ils sont 3 capitaines qui veulent. That was beautiful, wasn't it? Mm-hmm. That was Hart Rouge. It's named for the town they're from. They're a family called the Campagne family. The first song was Grain de Mil, Millet Grain. And I don't know, what did you get out of that? I didn't get much out of that. But I love the music. The second one was extremely beautiful. The girl fell asleep. Mm-hmm. La belle s'est endormie. I think their voices are so gorgeous together because mm-hmm. they are brother and sister. Yeah, they're very pleasant. Mm-hmm. Are they originally French and then they moved to Canada? Yes, well, the father was born in Lyon. And they moved to Canada, didn't they? Yes, oh. That's why their accent is not really Canadian. Mm. On a le temps de finir avec quoi? Un tout petit peu de Carla Bruni. Carla Bruni, l'amoureuse naïve. Oui. Et si on a le temps, Django Reinhardt. On va dire au revoir maintenant, alors. Oui, au revoir, Louise. Et bon, merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Et merci d'être venu. Oui, restez bien au chaud à nous écouter, alors, à la voilà. Maison. Carla Bruni. OK, l'amoureuse naïve. Ah, OK. Quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes. Qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel. Qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Les clochers sont penchés, les arbres déraisonnent. Ils croulent sous les fleurs au plus roux de l'automne. Je ne fonds plus, la pluie chante doucement. Et même les réverbères ont un impatient. Et même les cailloux se donnent l'air important. Car je suis l'amoureuse. Oui, je suis l'amoureuse. Et je tiens dans mes mains la seule de toutes les choses. Je suis l'amoureuse. Je suis ton amoureuse. Et je chante pour toi la seule de toutes les choses qui vaille d'être là, qui vaille d'être là. Le temps s'est arrêté, les heures sont volages. Les minutes frissonnent et l'ennui fait naufrage. Tout paraît

Здравейте, драги слушатели! Аз съм Николай и вие сте с фолклорното музикално предаване Балканско джамбуре на радио Безграници, KFI, Сен-Пол и Миняполис. Надявам се, че сте някъде на топло сега и слушате KFI тази полярно студена вечер и както ще става още по-студена тази нощ. Както всяка седмица, вторник от 10 до полунощ ще сме заедно и слушаме музика от Балканите, която съм подбрал не специално за вас. Hello, folks, I'm Nikolai and you're with Balkan Jamboree, World Music Show at this freezing cold evening. When I was coming tonight for the show, two polar bears were watching me behind the corner of Acadia Cafe and they were feeling obviously pretty well. It may be a joke, but it is not a joke, the scale what will be on the thermometer this night. The time is 5 minutes after 10 and you're listening to the Balkan show right here on KFAI, Fresh Air Community Radio at 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul. Radio without boundaries, where music has no borders, visas or any immigration regulations. KFI streaming online at kfi.org. Later you can listen to Balkan Jamboree radio show on the archives at kfai.org/Balkan Jamboree. The telephone line in the studio to reach me is 612-341-0980. And my email is balkanjamboree@gmail.com. Tonight we have a guest, Megan Lundberg, who has just came back from Bulgaria and will tell us all the news and lately stories from there. And we will talk about the Bulgarian Christmas tradition and more and more. Tonight, Bulgarian, Macedonian, Romanian, Serbian, Turkish, Greek, Roma, Gypsy music. As the tradition goes, we will have performances of the Bulgarian women singing. For the segment for Balkan art new music, we will have tonight choral music by the Bulgarian Nikolai Stoykov. All this is coming ahead. Don't go away, stay tuned. Mm-hmm.